Chapitre 2. Son caractère et son tour d'esprit. Quoiqu'il y parût peu, durant sa jeunesse, aux yeux de l'observateur inattentif, George Sand était une des organisations les mieux équilibrées qui aient été. Elle doit gêner ceux qui cherchent toujours dans un caractère la faculté maîtresse. Elle n'a point de force dominante. Une grande imagination est toujours en acte, et cependant un très solide bon sens. Des passions qui ont paru violentes, et un tempérament assez froid et très calme. Ce qui n'empêche point qu'elle ait été infiniment bonne, charitable et dévouée. Des qualités toutes viriles de bon sens, de labeur continue, de loyauté et fidélité dans l'amitié. Une exaltation, moitié factice, moitié sincère, d'imagination, et une tête romanesque, par où elle rappelle bien qu'elle est femme. Son cœur est d'un homme qui serait très sensible, sans être dominé par ses nerfs. Son imagination d'une femme qui, avec l'aptitude indéfinie à se créer des chimères, aurait assez de sang-froid pour n'y croire que modérément. Son intelligence lucide et peu étendue, propre à l'observation des mœurs et des caractères, pourvu qu'il ne soit pas très profond, et amoureuse des idées sans être très capable de les bien entendre, est celle d'une femme distinguée qui aurait les instincts d'un penseur sans en avoir la puissance. Elle était très sensée au fond, se connaissant très bien, et son roman fini ne croyant point, comme ses admirateurs, qu'il contint un renouvellement de l'âme humaine ou de la société. Je n'ai jamais songé à soulever une question pour ou contre la société dans Indiana ou dans Valentine. Je suis excessivement femme pour l'ignorance, l'inconséquence des idées, le défaut absolu de logique. Vous voyez que je ne suis bonne à rien. Ceci n'est pas une simple boutade. À une autre personne, que Lélia enflamme un peu trop, elle dit « Lélia n'est pas moi. Je suis meilleur enfant que cela. Mais c'est mon idéal, elle veut dire mon rêve. Ce n'est qu'un poème, non une doctrine. Ce qui signifie « N'allez pas vous aviser de jouer Lélia. Admirez-la, et le livre fermé, soyez une bonne femme, toute simple. » On la voit véritablement en colère, dans une lettre à Mazzini, contre une jeune femme que ses romans ont troublée, et qui lui parle dans la vie réelle la langue que parlent ses héroïnes. Elle était de sens bien plus racis que ses lectrices, et a inspiré plus de folie qu'elle n'en a fait. Les siennes sont celles d'un homme plutôt que celles d'une femme. Elles ont des arrière-pensées de raison, voyez sa lettre à son fils au dernier moment de certains départs pour l'Italie, des retours très rapides à la réalité, et des ruptures avec les chimères, dont ce n'est pas elle qui souffre le plus. Ce n'est pas à dire que cela soit très beau, mais c'est très viril. Et comme un homme aussi, elle a des amitiés qui durent toute la vie, d'une fidélité inaltérable, d'un dévouement continu. C'est en dehors de la passion qu'elle est passionnément bonne, mais alors elle est la bonté même, elle a aimé Sainte-Beuve, elle a aimé la touche. Elle a secouru toute sa vie de pauvres rêveurs, très besogneux et très quémandeurs, qui auraient lassé toute autre sollicitude. Elle a aimé les êtres faibles et malades, pour leur maladie et leur faiblesse. C'est dans Lucrezia Floriani qu'elle a laissé d'elle-même le portrait le plus fidèle, et il est très sympathique. Dans sa vieillesse, cette bonté, qui s'attendrit encore, devient infiniment touchante. À 70 ans, elle console, caresse, soutient infatigablement cet enfant quinquagénaire, l'inconsolable Flaubert, avec une tendresse ingénieuse, naïve et ravissante. Elle secourt discrètement, avec des ruses de charité exquise, telle pauvre comédienne tombée dans l'abandon et oubliée de tous. Jamais femme n'a poussé plus loin les hautes qualités de l'honnête homme. C'est cette bonté, cet amour des faibles, qui lui a inspiré toute sa politique confuse, chimérique et attendrissante. Elle l'a donné de tout son cœur dans les idées d'émancipation de la femme, du prolétaire et du paysan qui avaient cours de 1835 à 1848. Elle a cherché de bonne foi l'abolition de la tyrannie, de l'aristocratie et de la richesse. Elle n'aime pas le saint-simonisme, qui la frappe et la choque par son côté religieux, où elle ne voit qu'un culte nouveau soutenu d'une liturgie assez ridicule. Mais tous les systèmes socialistes lui plaisent tour à tour et, je crois, tous ensemble. Dans tous, elle voit ou rêve une réorganisation sociale fondée sur la justice, et plus encore sur la bonté que sur la justice. Il les expose à peu près tous à la fois dans chacun de ses romans, « Péché de M. Antoine »,« Meunier d'Angibault », etc. Du reste, elle n'y entend rien. Elle est de ceux qui ont fait dire que les socialistes de cette époque ne se sont fait entendre de personne, pas même d'eux. Dans ses lettres, elle passe d'une formule à l'autre et mêle et embrouille les « à chacun selon ses besoins, à chacun selon ses droits, à chacun selon ses mérites, etc. » de la manière la plus inextricable du monde. C'est une chose curieuse que l'intelligence de George Sand. Elle comprend très bien les hommes, ne se trompe guère sur eux, juge ses contemporains, Béranger, Lamartine, Leroux, Cabet, Proudhon même qu'elle n'aime pas, Le Dru-Rollin même qu'elle aime trop, avec beaucoup de justesse, avec son bon sens et son raisonnement tranquille de berrichonne. Pour les idées, elle en a le goût, la passion, et n'y entre pas. Elle y court avec une ardeur incroyable, s'en éprend, en invente quand il n'y en a point. C'est à la doctrine sociale et palingénésique de l'oiseau de Michelet qu'elle s'attache pour rendre compte du livre, autour de la table. Mais elle ne sait pas les saisir et les posséder. La faculté d'analyse lui manque. Elle a exposé 10 fois ses idées politiques, 5 ou 6 fois ses idées sur la musique, Consuelo, Maître Sonneur, Teverino, etc. Et je crois qu'il est impossible d'en tirer une doctrine saisissable. Ses articles de critique et de philosophie, Autour de la table, Lettre à Marcy, etc., sont des divagations pénibles. Elle sent le beau, certes. N'oublions pas qu'elle a inventé Georges de Guérin, fait connaître Glaucus et le Centaure, mais est à peu près incapable d'en rendre compte. Personne n'a été en ce siècle plus épris de philosophie et moins philosophe. Le Babel se retrouve là, car il faut bien qu'il se retrouve. Les contemporains en ont été très choqués ou très charmés, selon leurs humeurs. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre, car ce n'est qu'un point secondaire dans l'ensemble, mais il fallait le relever. De cette grande tendresse et de cette intelligence vive sans profondeur, soutenue d'une imagination alerte et jaillissante sans concentration, le goût du romanesque devait naître. Il était là comme dans son domaine propre. Il est fait, à l'ordinaire, d'une certaine impuissance à raisonner, d'un grand goût pour l'invraisemblable, d'une certaine humeur voyageuse, et d'une tendance à s'épancher et à s'attendrir. Sans frein et sans lest, ces facultés qui ne sont point des qualités produisent simplement un caractère inconstant et une humeur extravagante. Maintenue, comme elle l'était chez George Sand, par un grand fond de bon sens, un certain goût de régularité, une forte attache au travail, elle devait se dépenser et se répandre surtout en écriture. George Sand a eu quelques romans dans sa vie, qui n'ont pas été beaucoup plus longs que des nouvelles, mais elle pense en romans continuellement. Elle arrange en aventure ses relations, ses correspondances, sa vie privée la plus bourgeoise, sa critique même. Autour de la table est un volume de critiques, mais il faut que cela ait au moins le décor et le scénario d'une nouvelle. Ce seront gens qui causent des livres nouveaux qui leur arrivent. Il y aura un jeune satirique, une jeune enthousiaste, une grand-mère conciliatrice. On voit poindre un Heptaméron chaste. Elle console Flaubert, et d'une manière charmante. Mais elle ne peut s'empêcher de rêver une aventure qui le consolerait mieux. N'as-tu pas une femme que tu pourrais aimer, un enfant à adopter? Voilà le roman. Il y a une personne qui pourrait te modifier et te sauver, c'est le père Hugo. Il faut le voir souvent, je crois qu'il te calmera. Cela, c'est encore plus romanesque. Elle aime le faux, non point trop, ni d'une manière désobligeante, mais elle l'aime. La vie de théâtre la séduit, la fascine, visiblement. 10 fois elle l'a peinte, idéalisée avec complaisance. Le beau Laurence, Pierre qui roule, Consuelo, Teverino. On joue la comédie chez elle, et la voilà ravie. Quelle jolie existence. Jouer pour soi, en inventant à mesure, en mêlant sentiments vrais et passions simulées, en continuant à souper les situations du théâtre, en mettant dans la vie factice tant de réel et dans la vie réelle tant de factice que l'une se prolongerait dans l'autre et qu'on ne s'y reconnaîtrait plus. Cela en un vieux château, perdu sous les neiges, avec des paysans qui écouteraient par-dessus le mur du parc, qui croiraient à je ne sais quelle diablerie et qui répandraient des légendes. Le château des désertes. Et voilà en effet de quelle vie a vécu George Sand pendant 30 ans, de 10 heures du soir à 4 heures du matin, en robe de chambre, couvrant régulièrement de grandes pages de sa grosse écriture lourde.